Voilà, donc on va se plonger dans l'année 2000 avec Anastasia, avec son album Not That Kind, titre éponyme qu'on vient juste de s'écouter à l'instant. Alors, Anastasia, si vous voulez, pas Zia, mais Sia, Lynn Newkirk, née le 17 septembre 1968 à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis, est une chanteuse de pop soul aux influences rock. Bah oui, ça vous l'avez pu l'entendre. Hein. Alors la carrière d'Anastasia est, bon, comme je vous ai dit, elle est née à Chicago et au sein d'une famille d'artistes. Son père, d'ascendance allemande, était chanteur et sa mère, d'ascendance irlandaise, actrice de comédie musicale à Broadway. Ils divorcent alors qu'elle n'a que 3 ans et Anastasia n'a plus jamais vu son père depuis le reste et reste vivre avec sa mère qui s'installe à New York. Une fois adolescente, elle intègre la Professional Children's School de Manhattan. Parallèlement, Anastasia fréquente régulièrement des clubs locaux spécialisés dans la house music. Elle se fait remarquer grâce à ses talents de danseuse par quelques producteurs qui lui permettent de faire de la figuration dans des clips du groupe Soul and Papa en 1988 avec un fameux titre Push It, si vous vous souvenez, Push It Real Good, même plus précisément. En 1993, elle déménage à LA, Los Angeles. Elle y rencontre O.G. Pierce qui lui propose de remixer l'une de ses premières compositions, One More Chance, ce qui lui ouvre de nouvelles portes comme celle de The Cut, l'équivalent américaine de l'émission Grain de Star. Si Anastasia n'est pas la lauréate, elle apparaît tout de même comme la grande gagnante et signe un contrat avec Daylight Records, label de Sony Music. Alors, on va continuer cette programmation musicale, bien entendu, hein, avec encore un titre, fatalement, le fameux titre que tout le monde se souvient de cet album, hein, c'est I'm Outta Love de Anastasia. Ben, vous allez dire, ah oui, je me souviens de ce titre, et on se retrouve tout de suite après. Backstage, les coulisses du son. Oh, Eh oui, on se souvient bien de ce fameux titre « I'm out of love » de Anastasia. Donc, on se plonge dans les années 2000, comme je vous le disais, hein, avec cet album « Not That King » donc de Anastasia. Alors, en vous parlant un petit peu de cet album, c'est un album qui est sorti en 2000, mais à l'époque, pensait déjà en 98 et c'est un album qui, on va dire, qui a duré 3 ans, hein, depuis la conception jusqu'à la réalisation, et puis après les tubes se sont enchaînés et tout ça. Donc, son premier album Not Kind Kings sort en 2000 et se classe numéro 1 dans 8 pays en Europe, Asie et Océanie, et est certifié triple de platine en Australie, porté par le succès de I'm Out of Love, le titre qu'on vient de s'écouter juste à l'instant, qui lui était sorti en 1999. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, l'album est sorti en 2000, mais déjà, bien avant, il y avait déjà des choses qui avaient été travaillées. Qui réalisera la meilleure vente de singles cette année-là dans ce pays, donc pour l'Australie. L'album Not That King est un succès mondial, sauf aux États-Unis, où il se classe en 68e place au Billboard. Il faut savoir aussi, donc, comme je vous disais tout à l'heure, quand elle a rencontré O.G. Pierce, il lui propose de remixer l'une de ses premières compositions, One More Change, qui figure aussi sur l'album donc Not That King, qui est en 11e position. On l'écoutera aussi, je vous la jouerai, même si on n'aura pas le temps. Ça, c'est sur l'heure, on ne pourra pas vous jouer toutes les chansons de cet album qui sont superbes les unes que les autres, mais on écoutera un maximum de musique. Et on écoutera donc vraiment sa première composition à Anastasia. Je vous parlerai aussi d'autres albums qu'elle a fait, elle n'est pas restée dans l'ombre, hein, malgré ce, je vous parlerai aussi de sa maladie et tout. Mais là, on va s'écouter un troisième titre de cet album avec Cowboy and Kisses, oui, Cowboy and the Kisses, pardon. Cowboy and the Kisses, j'arrive plus à lire mon écriture, c'est bien. Et on se retrouve tout de suite après les amis. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM. Vous écoutez Backstage. Jeans and a box of magazines is all I have of you. Waiting on the day you walk back in my life. Like a newborn child, you made me smile, then stole my heart away. We may be out of touch, but never out of time. Come back to me, boy. You're like a weight in my pocket every time you come around. Damn those cowboys and kisses, yeah, yeah. Gotta find myself every time you go away. Holding on to you like a pair of old shoes that you never throw away. Every road still leads me back to you. Your little white lies and butterflies made me shed a tear. Still I'm praying on the day that you'll be mine. Why do I need cowboys and kisses? Always seem to bring me downtown. Every time you come around, it's cowboys and kisses. keep on holding you when all you do is hurt me. All my friends say that I should let you go, so afraid that I might see. I can't keep on living life like this, up and down, in and out. I wonder, is this world just a cowboy and a kiss, or should I choose another? Troisième extrait de cet album, donc Cowboys and Kisses de Anastasia. Alors, juste après l'album Not That King, est sorti en 2001 l'album Freak of Nature, son deuxième album. Freak of Nature sort en 2001. Il a atteint de meilleurs scores que le précédent. Fatalement, elle a mis un peu du temps, c'est normal, à être un peu connue. Voilà. Cependant, elle enregistre que 3 disques de platine, c'est-à-dire un de moins que pour le précédent album. Le premier single extrait était Pain Me Do, est un tube en Europe. En 2002, Anastasia se joint à Cher, Céline Dion, Shakira, Mary J. Blige, Maria Carey et Aretha Franklin pour le concert Diva Live sur la chaîne VH1. Cette même année, elle est invitée sur la BO du film Chicago où elle interprète Love Is a Crime. Elle est également choisie pour interpréter la chanson de la Coupe du Monde de football. Boom! 3 autres singles seront extraits de Freak of Nature, One Day in Your Life, Why Do You Lie to Me et You'll Never Be Alone. Voilà, ça c'était pour l'album Freak of Nature. On va s'écouter encore un extrait et après je ferai un petit aparté pour vous parler de sa maladie, mais je ne vais pas la faire trop longue quand même, quoi. Mais bon, parce qu'elle a été absente à un moment donné et vous allez savoir pourquoi si vous ne le savez pas. Là, vous allez le rapprendre. Mais juste avant, on va s'écouter une petite page de promotion pour le mondial de la photographie. Et après, on écoutera donc le titre « Who Gonna Stop the Rain ». Le Centre Marius Taquet propose le 24e Reflet Mondial de la Photographie du 19 mars au 2 avril 2017. Moucron accueille à cette occasion plus de 2500 clichés issus du monde entier. Toutes ces photographies seront soumises à un jury qui sélectionnera les meilleures pour constituer une exposition présentée au public. 600 photographes, dont les membres du Photoclub Artec, participent à cet événement exceptionnel. L'expo convie la photographe belge Carole Deschuimer, photographe de la faune africaine, en invité d'honneur. Renseignements auprès du Centre Culturel Marius Taquet. Taquet par téléphone au 056 860 160. 056 860 160. Vernissage le 18 mars 2017 à 16h, auditorium André de Meyer au Staquet. En couleur, en concert, sur RQC. No rose without a thorn, no rain without the storm. There is no laughter without tears, no wisdom without years. In a world gone crazy, if every face should lose its name, tell me who's gonna stop the rain. Each day another boy and girl sets foot into this world. Is out to touch the sky. One never learns to fly. Where is it written in the stone that any child should walk alone out on their own? If no one tries to end this game or find a way to ease the pain, tell me stop the rain. Who's gonna stop the rain? I say, who's gonna stop the rain? Hey, hey, hey, yeah, yeah. Oh, how many rivers must we cross before we learn that the flood? Très bon titre quand même, hein, Who's Gonna Stop the Rain de Anastasia. Alors donc, comme je vous ai dit, je vais faire juste une aparté en vous parlant un petit peu de sa maladie. Voilà, comme ça, ce sera fait aussi. Donc Anastasia, en 2004 et 2006, avec aussi son album Peace of Dreams, hein, en janvier 2003, Anastasia, déjà atteinte par la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, hein, découvre qu'elle souffre d'un cancer du sein. Son traitement est un succès et elle fonde alors la Breast Cancer Research Fund pour la prévention des risques de cancer du sein chez les jeunes femmes. On le sait, Anastasia revient de loin hein, en 2003, donc avec son cancer. Et il y avait eu une récidive hein, une dizaine d'années plus tard. Et là, elle a décidé de se faire opérer comme il faut. Et marquée par les cicatrices, elle a décidé d'assumer son corps, on va dire comme ça, abîmé oui et non par ses cicatrices, et de poser nu dans le magazine Fault pour montrer aussi qu'on peut être aussi joli avec des cicatrices et voilà, pour sauver sa vie. Donc voilà. Donc je voulais juste faire la petite parenthèse. On n'est pas là pour saper le moral ni pour vous parler de cette maladie qui est une grosse merde. Voilà. Allez, on va s'écouter une page musicale, extrait donc de son album, hein, Not That King, l'album titre éponyme, je veux dire l'album phare, l'album du début d'une longue carrière d'Anastasia. Et on va s'écouter le cinquième extrait, Love is Alive, donc de Anastasia. Et on se retrouve tout de suite après les amis. Backstage, les coulisses du son. Well, I'm thinking Love is Alive, Anastasia. C'est le dimanche 2 avril que se déroulera à partir de 11h dans la salle bleue du Centre Expo, rue de Menin 475 à Moucron, l'apéritif repas annuel de RQC Radio Kichifel. Au menu, apéritif offert, cochon à la broche, pommes de terre rissolées, 10 sortes de légumes, pain, sauce. Le prix est fixé à 17€ pour les adultes et 10€ pour les enfants de moins de 12 ans. À l'achat de tickets, un café gourmand vous sera proposé pour accompagner votre repas. Une tombola est organisée et le premier prix est un smartphone Galaxy Gold. Attention, ce repas se fait uniquement sur réservation, soit au local de la radio, de A rue Roger Salengro, anciennement place de l'Ours, face au centre Marius Taquet. Ou par téléphone au 0479 09 70 52. Et depuis la France, 0032 479 09 70 52. Ou au 056 34 07 83. Depuis la France, 0032 56 34 07 83. Nous vous espérons nombreux, comme chaque année, à venir soutenir la dernière radio libre de la région de Moucron. Ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire de venir rencontrer vos animateurs préférés. Alors, on poursuit avec donc Anastasia. Elle entre en studio en septembre 2003 pour enregistrer son nouvel album sombrement intitulé Anastasia. Elle travaille cette fois-ci avec Glenn Ballard, Dallas Austin et Dave Stewart. L'album sort en 2004, précédé de Left Outside Alone, qui amorce un changement dans l'univers musical de la jeune chanteuse, puisque ce titre est beaucoup plus orienté vers le rock. L'album est numéro 1 en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, en Australie, en Grèce, en Allemagne et en Italie. Left Outside Alone se classe numéro 1 en Australie, en Italie, en Autriche et en Suisse. Elle fait même partie des 5 titres les plus diffusés en radio dans le monde en avril 2004. Paradoxalement, l'album ne sort pas aux États-Unis. 3 autres singles à succès sont extraits de l'album: Sick and Tired, Welcome to Me Truth, et Heavy on My Heart. En 2005, elle enregistre Everything Burn, un duo avec Ben Moody du groupe Evanescence, pour la BO du film Les 4 Fantastiques. En novembre de la même année, Anastasia sort son premier best-of, Piece of a Dream. Celui-ci contient tous ses singles, ainsi que 3 nouveaux titres: Piece of a Dream, I Belong to You, donc je vais essayer de vous le dire en italien, Il Ritmo del Passione, un duo avec fatalement Eros Ramazzotti, et In Your Eyes. L'album sort également dans une édition limitée avec un second CD comportant des remixes. Elle a sorti aussi donc le Live Atlas en 2006. Le 26 mars, Anastasia sort son premier DVD live, Live Atlas, témoignage de ses 3 tournées européennes consécutives de 2004 à 2005. On va s'écouter un autre titre, on va s'écouter le 6e titre, I Ask of You, donc de Anastasia, et on se retrouve tout de suite après. Vous écoutez Backstage. Your love is like a gentle breeze upon a brand new day. You're touching what it does to me, like a flower needs its rain. We are like one of a kind. True love is hard to find. I can't go on another day. Just hear me when I say, I ask of you, would you love me? If nothing else went right. And I ask of you, would you hold me? place where I belong. It's right here next to you. And nothing else matters now. With all we've been through, I can't go home, try to deny just what I feel inside. But now before I let go, you gotta let me know. I ask of you, would you love me if nothing else went right? I ask of you, would you hold me forever in your life? Don't let me fall, 'cause I can only give my all here. I ask of you, yes I do. I ask of you. Anastasia, extrait de son album, donc Not That King, sorti en 2000. On poursuit ce backstage consacré à cette ravissante chanteuse au grand talent. Hein. Anastasia et la mode, Anastasia by S. Oliver. Anastasia s'est lancée dans la mode en août 2006 avec sa propre collection de vêtements en collaboration avec une marque allemande, S. Oliver. Le lancement a eu lieu successivement en Allemagne le 17 à Hambourg et Cologne et le 18 à Munich et Vienne en août 2006. Le 29 mars 2007, la collection printemps-été d'Anastasia by S. Oliver a été révélée au public pour un défilé de mode à Berlin. Heavy Rotation, une nouvelle tournée en 2008-2009. Son quatrième album s'intitule Heavy Rotation. La promotion est minime, peu de diffusion à la radio, des titres et des clips sont peu diffusés. Après la sortie de son album Heavy Rotation, Anastasia, reprend la route en juin 2009 pour sa tournée européenne qui passe par la Belgique, le Danemark, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Night of the Prom Europe Tour. À partir de septembre jusqu'en décembre 2012, Anastasia part en tournée avec Night of the Prom. Elle passe par la Belgique, la Suède, le Luxembourg, l'Allemagne et la Hollande. Elle partage la scène avec d'autres artistes tels que Art Garfunkel, Mike Hucknall et Simply Red, Naturally Seven, pardon, et John Miles. En 2012, It's a Man World, en date du 7 juillet 2012, via une annonce sur son compte Twitter, relayée par sa page fan Facebook, Anastasia fait part d'un message évoquant la préparation d'un nouvel album et d'un nouveau single. En 2013, It's a Man World Tour, tournée européenne et album Resurrection. Anastasia revient en novembre 2012 avec une compilation de reprises rock de chansons interprétées par des hommes tels que Best of You des Foo Fighters et Dream On d'Aerosmith, alors qu'elle s'apprête à commencer une tournée européenne en avril, le 28 février 2013. Donc, je vous avais parlé de la récidive de son cancer du sein et donc elle a dû annuler sa tournée. Le 20 juillet 2013, elle annonce publiquement qu'elle est guérie de son cancer et sur son compte Twitter. Voilà, donc on continuera après. Là, on va s'écouter Wishing Well, le 7e extrait de son album Not That King de Anastasia. En couleur, en concert, sur RQC. Wishing Well, 7e extrait, donc de son album d'Anastasia. Alors en 2014, Resurrection Anastasia confirme sur son compte Twitter qu'elle travaille avec le producteur John Phil et Steve Diamond. En mars 2014, elle publie le single Stupid Little Thing, titre qui fait office de prémisse de son sixième album prénommé Resurrection, sorti le 12 mai 2014. Même si ce nouvel album original ne rencontre pas le succès escompté, une tournée européenne suivie, Resurrection Tour. Pour cette tournée, les fans de la chanteuse américaine ont répondu présents. Malheureusement, Anastasia fut obligée d'annuler quelques concerts au milieu de la tournée pour des raisons de santé. Une fois la tournée reprogrammée, elle reprit les concerts jusqu'en août 2015. De 2015 en 2016, la mode et de nouveaux projets Blue Marine Year by Anastasia et Anastasia by TAT2. En 2015, la chanteuse s'adonne à une nouvelle fois à la mode en prêtant son style à la marque de bijoux TAT2. Une collection lui est dédiée, Anastasia by TAT2, par la suite d'Anastasia annonce qu'elle va lancer courant 2016 une collection de lunettes de soleil en référence à cet accessoire qu'elle lui est souvent utilisé en partenariat avec la marque de haute couture italienne Bleu Marine. On va s'écouter le 8e extrait, Made for Loving You d'Anastasia. Vous écoutez Backstage. You've been looking for On ne vous a pas tout dit. L'émission qui fait débat. Quand les acteurs locaux se mobilisent et prennent la parole sur notre présent, notre futur. On ne vous a pas tout dit. Les troisièmes mercredis du mois, en direct et en public, de janvier à mai. Le troisième mercredi du mois, de 20h30 à 22h30. On ne vous a pas tout dit. Proposé par la cellule environnement de la ville de Moucron, le centre culturel moucronois, produit et réalisé par RQC. Voilà, donc retenez bien tous les troisième mercredi du mois. On ne vous a pas tout dit. Sinon, juste auparavant, c'était le titre Made for Loving You de Anastasia. Alors, donc, Sticky Lee Come Dancing, suite à son apparition dans l'équivalent de Danse avec les Stars au Royaume-Uni durant la saison précédente, Anastasia devient candidate lors de la 14e saison de l'émission de l'automne 2016. Sur le parquet, elle a formé un binôme avec des danseurs Brendan Cole. Elle est éliminée à la sixième semaine, le 30 octobre 2016. La chanteuse a annoncé qu'elle reversera la totalité de ses gains engendrés à la fondation Cancer Research UK, qui contribue à la recherche pour lutter contre le cancer. Nouvel album pour décembre 2016, A4APP. Courant du mois d'octobre 2016, Anastasia annonce sur son site et sur les réseaux sociaux qu'un nouvel album allait sortir fin 2016. La chanteuse a indiqué utiliser le site internet Pledge Music pour la sortie de cet album qu'elle a immédiatement rendu disponible en précommande pour ses fans. Ce nouvel album est une compilation qui regroupe des titres d'Anastasia enregistrés en live durant sa tournée The Ultimate Collection Tour. La chanteuse va d'ailleurs reprendre la route à l'occasion de la prolongation de sa dernière tournée. Elle a vendu plus de 40 millions d'albums. C'est pas mal du tout pour Anastasia. Donc voilà, l'émission Backstage touche tout doucement à sa fin. Restez bien branchés sur RQC 95 FM tous les jours de la semaine, du soir au matin et le week-end aussi. Il y a des bons programmes. Nous, on va se quitter, donc, comme je vous avais dit, avec son premier enregistrement, War More Chains. Donc, je vous l'avais promis, il est là. Il est sur le premier album d'Anastasia, Not That King. C'est son tout premier enregistrement donc, qui a été remixé à l'époque. Nous, on se fixe rendez-vous la semaine pour une nouvelle émission Backstage. Ciao à toutes et à tous, les amis, et restez bien branchés sur RQC 95. FM. En couleur, en concert, sur RQC. Can we talk a while? Cause I need you, Lord, I miss your smile. Said I need you, no, I'm not the same, you see. If we could only be the way it was, then I'd never let you go. Just one more chance, I knew I was wrong. Don't give up so easily. Don't you know it's killing me? Just one more chance to sing this song. I'll never let you down. No, just one more chance. I know that I hurt you. Don't you realize? Confused that we were. Can I tell you that I never felt like this? This pain I can't ignore. I want you back, and I'll never let you go. Just one more chance. I knew I was wrong. Chance to sing this song. I just one more chance. I said, just one more chance for me, my baby, my baby. Just one more chance.